Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Exact. Nouvel épisode qui est quand même sous le signe du deuil, puisque c'est un des derniers épisodes de Vincent. Rob est mort. Non, toi. Ah. Toi, notre amitié est morte car tu nous abandonnes. Non. Voilà, en fait, c'est un épisode qui va être un petit peu une pierre blanche, une milestone, comme on dit en anglais, puisque Vincent va partir à Paris pour au moins 2 mois. Minimum. Ouais. 2 mois minimum, peut-être 5 mois, peut-être qu'après tu vas trouver d'autres contrats, etc. Enfin bref, c'est une sorte d'opportunité. Enfin voilà, c'est pas une sorte, d'ailleurs, c'est une opportunité professionnelle que tu saisis et que tu as raison de saisir. Oui, c'est vrai. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on s'est même pas présenté pour une fois, vraiment on est rentré direct dans le vif du sujet. J'adore ça. Ouais, mais en même temps il faut préciser que t'as dit bonjour alors qu'il faudrait dire bonsoir voire bonne nuit, parce qu'il est vraiment 1h17 du matin. Il est 1h17 du matin, cela dit la nuit est longue comme la vie. Alors que non, je raconte n'importe quoi. Désolé. Non, mais voilà, tout simplement pour dire, c'est un épisode voilà qui est un petit peu, peut-être un peu plus intimiste pour une fois. Ouais. Bon, qui est toujours placé sous le rire et la bonne humeur. Ouais. Bon, même si là, j'ai l'impression que quand je vais partir, tout va s'arrêter, la planète entière s'arrêter. Parce que tu es essentiel à tout le monde, c'est ça que tu es en train de dire. Non, mais vu comment tu en parles, j'ai l'impression. Non. J'ai cette impression. Ouais, voilà, t'as cette impression de cette impression. J'ai cette impression. Est-ce que tu t'appelles Gutenberg? Pourquoi? Parce que tu fais sacré bonne impression, mec. J'ai pas la ref. Mais Gutenberg, l'imprimerie. Oh, mais oui, c'est vrai. Putain, je suis. Punaise, pardon. Je suis. Suis designer, je suis graphiste, et j'ai pas la référence du premier mec qui a inventé. Bah, c'est honteux. Directement, c'est honteux. C'est nul. Non, mais voilà, directement. Très décousu ce début de podcast, mais voilà. Tout simplement pour dire, effectivement, c'est une pierre blanche, puisque Vincent va partir, donc forcément. C'est à marquer d'une pierre blanche. C'est à marquer. Je sais pas si ça se dit, c'est une pierre blanche. C'est une pierre blanche, bah, c'est une pierre, j'ai envie de dire, multicolore, parce que voilà, on est dans l'émotion, on est dans l'amour, on est dans la tristesse, on est dans plein de couleurs, plein de sentiments. C'est vrai. Donc voilà, ne faisons pas de colorisme. Voilà, ne soyons pas anti-couleurs. Enfin, bref, en tout cas, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque voilà, Vincent part à Paris, ça on l'a compris. Du coup, il y aura forcément un petit peu moins d'épisodes, puisque ça va être moins facile hein, de se capter, de se réunir. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas si les gens sont au rendez-vous chaque semaine. Moi, ça m'étonnerait. Moi, personnellement, je nous réécoute pas. Hein. Parce que je déteste entendre ma voix et je vous déteste encore plus. C'est faux. C'est faux, j'adore. C'est extrêmement... Je réécoute les podcasts. Tout le temps. Mais on te connaît. Parce que Vincent, il aime bien faire un truc, c'est qu'il réécoute ses blagues et il se marre en disant « Ah putain, je suis trop drôle. » Mais non, elle c'est était faux. Trop... Non, c'est totalement faux. Vrai. C'est totalement c'est vrai. Tu es narcissique. Enfin bref, voilà. Et on pensait que c'était intéressant. Voilà, on se retrouve... Nous deux, on est quoi? On est dans un petit chalet. Voilà, moi j'entends entends-tu la fumée du feu crépiter? Oui, moi je l'entends très bien. La fumée du feu, hein. Yes, c'est le feu de la cheminée, mais c'est pas. Ouais. Et moi j'entends aussi les personnes qui font du ski à l'extérieur à 1h du matin, ski de. Ouais, c'est. Magnifique, j'adore. Ah, pousse-toi. T'as vraiment du bruitage d'exception. Ah bah il y en a qui sont rentrés dedans. Ouais, ma ça aide toujours un dégoût. Hey, connard, bâtard de merde. Attends, c'est toi là. Non, c'était toi depuis le début. Non, c'était pas moi. C'était les vrais. Vraiment dehors. Non. Ce qui se passe. C'était toi. Tu es à 1 mètre de moi. Tu as fait les bruits avec ta bouche, t'as vu. Bon d'accord, on te la fait pas à toi. Non, on la fait pas. Et ce qu'on ne me fait pas non plus, c'est parler d'un sujet qui est intéressant. Et aujourd'hui, on va parler des tournants de notre vie. Voilà, parce que forcément, il s'en passe des choses. Nous, on a 22 petites années, c'est peu, 22 ans en réalité, c'est peu. Et en même temps, c'est beaucoup quand même. 22 ans, c'est énorme. 22 fois 365, fois 24. Voilà. Quand je me rappelle comment j'étais, comment dire, formé et intelligent il y a la moitié de mon âge, donc à 11 ans, je me dis, mais enfin... Vraiment, je n'y connaissais rien à la vie. Mais même encore maintenant, on est là à faire des grands discours. Mais dans 10 ans, je dirais la même chose. Exactement, c'est une découverte. Mais voilà, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ça, en fait, je pense. Qui nous fait avancer. Exactement, mais en même temps, une sorte de la quintessence de la vie, tu vois. C'est-à-dire que t'es tout le temps en construction. Mm. C'est une évolution qui... s'arrête peut-être quand on meurt, peut-être pas, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une résurrection, peut-être que finalement on passe à un deuxième niveau, j'en sais rien. Wow. C'est fou, que se passe-t-il que vraiment se passe-t-il. Le peuple se pose des questions. Du coup, les tournants de vie, donc effectivement, on utilise cette ouverture où tu pars à Paris. Mm-hmm. Ça, c'est un tournant de vie. Ça, c'est un tournant de vie pour toi. Bah, ça dépendra en fait de comment ça se passe là-bas. Parce que je vous avoue que j'ai pas eu spécialement envie de partir si vite de cette petite ville. Ça a été précipité. D'ailleurs, il y a encore 2 mois, tu n'envisageais pas réellement de partir à Paris. Non, clairement pas. Et comme il y a eu cette opportunité-là, en fait, j'ai accepté. Enfin, c'était une offre irrefusable finalement. Est-ce que c'était une offre que tu ne pouvais pas refuser ? Dans le cadre où elle était irrefusable, oui. Oui. Et du coup, j'ai décidé d'y aller, foncer tête baissée, comme le cheval dans Toy Story. Mais est-ce que c'est Marlon Brando qui t'a fait cette offre ? Pourquoi ? Le parrain. Je vais lui faire une offre, pourquoi ne pas refuser ? C'est lui-même. C'est lui-même. Oh, il m'a appelé pour me dire ça. Il t'a mis une tête découpée de cheval dans ton lit. Bah, clairement, j'ai dit oui. Là, t'avais pas le choix d'ailleurs, finalement. J'espère que c'était pas la tête du cheval de Toy Story dont je parlais il y a 2 secondes. Oh là là, tout se coupe et se recoupe. Est-ce qu'on est dans. Ah, je comptais sur toi. Tu me dis non, j'ai pas. T'allais dire quoi ? Je sais pas, j'ai compté sur toi. Ah, je voulais qu'on fasse un truc précis. Ah non, je voulais qu'on fasse un... Un cadavre risqué. Tu vois, exactement. Une cadavre risqué. Non, j'ai dit un cadavre risqué. Non, ça allait où ? Je propose qu'on réécoute tout de suite le podcast. Arrête de faire ça tout le temps. C'est vrai. Oui, tu le dis tout le temps à tous les épisodes. Et donc, je vais partir à Paris. Ça va être assez fou. Parce que je connais très peu de monde là-bas, etc. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai dû trouver très rapidement de quoi me loger. D'ailleurs, j'ai pas encore. Si vous habitez à Paris, je veux bien aller venir dormir chez vous, comme dans l'émission. Est-ce que tu t'appelles Antoine de Maxime? C'est moi. Je suis Antoine enchanté, de Maxime. Je suis un grand fan. Très bien. Grand fan. J'irai dormir chez vous. Ouais. Non. Quoi? Non. Mais vous êtes un grand fan. Oui, quand même non. Vous êtes un profiteur, un squatteur, monsieur Maxime. Alors, monsieur de Maxime. C'est vrai, mais... Non, en fait, d'ailleurs, surtout grand respect et grosse bise à cet homme, qui est un homme délicieux. Je sais pas si t'as regardé beaucoup son émission. Non, mais par contre, j'ai écouté le podcast qu'il a fait avec, je crois que c'était dans Nouvelle École. Et très bon podcast. Très bon podcast, qui s'est arrêté d'ailleurs récemment. On lui fait aussi la bise à cet Antonin Archer, c'est ça, hein ? Je sais plus. De son doux nom, je crois. Bref. Mais très intéressant. Ouais. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé des logements à Paris très rapidement, heureusement. Et ça va être une grosse opportunité. Ça me met un pied à Paris. Ça veut dire que je peux avoir d'autres opportunités qui vont tomber. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y reste. Très, très excitant. Ouais, c'est très excitant. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y reste jusqu'à fin décembre. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et on verra pour la suite. Mais revenons-en à nos moutons. Exact. Dont le sujet dont on voulait parler, il y a un chat qui fait ses griffes à 2 mètres du micro. Superbe. Donc, les tournants de notre vie. Exactement. Et Quentin, j'aimerais te poser la question. Quel a été le premier, d'après toi ? Ah, le premier tournant En tout cas, celui sur ta liste. Tournant de ta vie qui est... Écoute, puisqu'on parle de Paris, moi, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué il y a quelques années. Pourtant, c'est extrêmement anecdotique. Ça a duré 1 minute grand maximum, et pourtant ça m'a profondément marqué. Ta première branlette. Non. La description correspondait parfaitement. Non. 1 minute, beaucoup moins en réalité. 5 ou 6 secondes tout au plus. Mais pas beaucoup plus. Non, en fait, il s'avère qu'en 2015, j'ai eu une opportunité de stage à Paris, un mois, dans une boîte de post-production qui s'appelle Riposte, extrêmement, extrêmement chaleureuse, très qualitative, ils font du super travail. Et pour me rendre à cette entreprise, dans ses locaux, Il fallait que j'emprunte voilà, diverses lignes de métro. Je partais de Fontenay-sous-Bois, j'allais jusque là-bas. C'était dans le 9e, si je me souviens bien, 36 rues. Enfin, je vais éviter très, très le précis. Code de la porte d'entrée. Et... si vous voulez aller là-bas pour quelques raisons. À partir de 19h, il n'y a plus personne. Donc allez-y direct, braquer un maximum. Non, plus sérieusement, c'est des gens adorables qui m'ont. Alors ça a été un petit peu spécial puisque ma tutrice de stage s'est barrée au bout de 2 jours. Donc vraiment, j'ai eu un mois un peu bâtard où les gens ne savaient pas trop quoi faire de moi. Enfin, c'était un peu spécial, mais c'était très cool. Ça m'a mis un pied, surtout à l'étrier, pour ce qui est de Paris. Et c'était un petit rêve de gosse quand même. Donc j'ai beaucoup... en plus, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, il s'avère que sur ce chemin, un jour, je marchais tranquillement. Tu vois, je flânais même. On peut dire je flânais tranquillement. Ouais, tu faisais un flâneur express. Non, les gens n'ont pas la rêve de toute façon. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Parce que c'est... Non, mais on va pas en parler. C'est juste un petit podcast qu'il faisait en marchant comme ça. Voilà, que en fait, j'avais... Oh là là, bon, bref. Non, mais ça ne les intéresse pas. Bref, du coup, je marchais tranquillement sur le chemin. Je passais devant je crois que c'est l'église Saint-Étienne, quelque chose comme ça. J'ai un petit trou de mémoire. Enfin, un bâtiment magnifique qui est d'ailleurs en rénovation à l'heure actuelle, qui est pas loin de tout ce qui est Galerie Lafayette, Opéra, tout ça. Surtout Galerie Lafayette, c'est derrière les Galeries Lafayette. Et voilà, je traverse un passage piéton. Je passe devant ce bâtiment religieux et là, un homme m'arrête. Donc bon, quand on se fait arrêter à Paris, généralement, c'est soit pour se faire taxer de clope, auquel cas je n'en fume pas, donc sorry not sorry bro, mais je peux pas t'aider. Soit pour demander notre chemin, soit on se fait racketter, ce qui non, ça ne m'est jamais arrivé, mais bref, voilà, généralement c'est jamais pour un truc un peu spécial. Et là, en l'occurrence, le mec m'a juste regardé et il m'a dit « Toi, t'es spécial ». C'était probablement un SDF, honnêtement, vu son accoutrement, la façon dont il se comportait et tout, c'était probablement un SDF qui avait l'air clair dans ses idées, tu vois, genre aucune odeur de vin, d'alcool en général, mais enfin, il avait l'air. Pas de villageoise, quoi. Non, ni de bourgeoise, enfin, il n'y a rien de tout ça, tu vois. Le mec avait l'air clair dans ses idées, et c'est pour ça que ça m'a extrêmement troublé, parce qu'il avait franchement les yeux nets, tu vois, pas vitreux du tout, calme, vraiment calme, et il m'a dit Toi, t'es spécial, toi, t'iras loin. On sent que t'es bienveillant. Et je ne le connaissais ni d'Adam ni Ève, cet homme, ok? Et je ne le connais toujours pas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Grosse bise à lui et... Il nous écoute peut-être? Peut-être que c'est notre écouteur favori. Non mais voilà. Et franchement, ça m'a bouleversé, vraiment. Vraiment, parce que je débarquais dans une ville où j'étais seul, tu vois. Je connaissais personne à l'époque là-bas, parce qu'aucune personne du DUT... n'y était, je connaissais personne. Il y avait mon cousin, mais il n'était pas là à ce moment-là. Je connaissais qu'une personne là-bas, et que j'ai vu qu'une fois d'ailleurs. Mais à part ça, vraiment, personne. Et j'étais tout seul dans cette espèce de fourmilière géante. Et ce mec m'arrête, il ne me connaît ni d'Adam ni Ève, il me fait des compliments, mais qui semblent sincères, tu vois, vraiment authentiques. Et un ressenti. C'est ça. Et genre, il y a eu une espèce de... Comme si le temps était en suspens pendant quelques secondes, tu vois, vraiment. Et ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Mais pendant cette très, très courte période de temps, vraiment, j'ai senti une sorte de rush de bienveillance. Non, mais tu vois, une sorte de... Je me suis senti vraiment entouré de bienveillance et de force, tu vois. C'était très, très impressionnant. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais c'est vraiment une rencontre extrêmement anecdotique, mais anecdotique. Tu l'avais bien dit la première fois. C'est vrai, plus, ouais. Ah mince. anecdotique, voilà, jamais 203, qui restera gravé à jamais dans ma tête. Et encore une fois, c'est le premier truc que j'ai marqué, alors qu'il s'est passé beaucoup de trucs en 22 ans, tu vois. Mais ça, je m'en souviens, parce que j'y pense assez souvent, je me dis, mais waouh, c'est comme ça qu'il faut être, tu vois. Genre bienveillant, positif, donner de la force et tout, voilà. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Voilà, bon, c'est pas un truc de fou, mais vraiment, je te jure, bah oui, bah vivre si. Ça, c'était... Bah si, parce que ça a marqué ta façon de penser et ta façon de travailler, donc... Exact. C'est vrai que j'ai été extrêmement positif et... Productif. Productif cette journée. Voilà, c'était... Enfin, toutes les autres journées, pas du tout. celle-ci était incroyable. Mais voilà. Mais du coup, puisqu'on a commencé par moi, j'ai envie de te retourner forcément la question. Qu'en est-il de toi? Bah écoute, moi ce sera quelque chose de beaucoup plus monotone et peu original. Puisque moi je voulais parler de post-bac. Ah. Quel enfer, ce truc. Ouais, c'est terrible. D'ailleurs, ça a changé de nom, je crois, maintenant. Oui, Parcoursup, encore une vaste fumisterie pour faire croire que ça change. Alors, pas du tout, hein, c'est la même chose. C'est même pire qu'avant. Ah ouais, si j'ai pas compris. Ok. Ouais. Alors, courage à tous les lycéens. Admission post-bac, quel enfer. On te demande à 16-17 ans, qu'est-ce que tu veux foutre tout le reste de ta vie? Enfin, quelle question. Même à 40 ans, je ne saurais pas ce que je veux faire de ma vie. Non, je pense que t'abuses. Non, je plaisante. Mais moi, personnellement. C'est vrai que c'est une sacrée question. Ouais, c'était une sacrée question. Parce qu'en plus, on ne t'y prépare pas. On te dit, genre, au début de l'année, bah écoutez, en mars, il va falloir choisir. On te dit les périodes de temps où tu dois trouver ce que tu veux faire. C'est horrible, arrêtez ça tout de suite. Moi, je me souviens que j'étais carrément. J'arrivais plus à bouger. Paralysé. Pétrifié, paralysé, voilà. Paralysé de par le peur, basilic. Par le. Médusa. Bah ouais, exactement, je l'ai regardé dans les yeux et après, bah, impossible de faire quoi que ce soit. Je comprends. Mais attends, mais ça n'a plus rien à voir avec post-bac, ça. Non, c'est Harry Potter. Ok, bah c'est aussi. Percy Jackson. Bah c'est aussi. La mythologie grecque. Exactement. Le mec a toutes les références. Ah, tu sais, je suis un peu un livre de culture. Ah, on te savoure comme un mets somptueux d'un restaurant 5 étoiles. Bah, c'est un compliment très gastronomique, j'adore. J'apprécie et. C'est tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, étant donné que tu as dit et. Je sais. Mais. En fait, c'était un et d'interjection. Et pas ah, et la suite. Ok, bah et c'est très mal. Et c'est quoi la suite de ton histoire? La suite de mon histoire, c'est que bah, j'étais paralysé carrément parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire à cette époque-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait vraiment les trucs les plus généralistes au possible jusqu'à la terminale, quand j'ai fait une seconde générale. Bah, rien que dans le nom, ça dit que bah je sais pas quoi faire. Oui, c'est clair. Et après, est-ce qu'on peut faire des secondes spécialisées? Bah oui, je me suis jamais renseigné. Bah si, en fait, je crois que tu vas. Si, il y a des secondes technologiques. Ah oui, tout ce qui est bac pro, tout ouais, ça. Ouais, voilà, okay, pour faire des bacs pro après et tout. J'avoue que je m'y connais pas trop là-dedans. Ouais, pareil. Et voilà, bah, j'ai fait une seconde générale. Après, j'ai fait une première S parce que ça ouvrait forcément le plus de portes. Mais alors. C'est fou comme t'es élitiste. Mais non, mais. C'est incroyable comme t'es prétentieux. Est-ce que c'est faux? Hautain, est-ce que c'est faux? J'en ai marre, d'accord? Ça suffit, cette oppression des classes dominantes et supérieures. Je veux le retour au marxisme. Ça se voit que t'es vraiment un ES, toi, pour le coup. Non, mais c'est vrai, non? Ça ouvre le plus de portes, S. Mais alors, je suis d'accord, mais je trouve ça malheureux. Oui, bah moi aussi. Car ça veut dire que l'ascenseur social ne marche pas. Il est entre deux étages et ça marche pas. Un ascenseur, ça fait quoi? Ça monte et ça descend. Exactement, ça reste pas bloqué. C'est complètement con. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on reste bloqué? Eh ben, on est tout. On appelle les pompiers. On meurt. On est obligé de pisser dans un coin de l'ascenseur. Ça pue. On meurt. On a plus d'oxygène. Nul. Tout est nul. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai fait tout pour être le plus généraliste possible. Et pas médecin généraliste, attention, hein, parce que j'ai pas les coupes à tous. T'arrêtes. Quoi? Tu pourrais pas faire le serment d'Hippocrate, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es un hypocrite. Bah tant pis. très peu de. Et voilà, donc post-bac, un enfer pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que à un moment où vraiment il fallait choisir, j'avais plus le choix. Bah si, j'avais le choix de choisir, finalement. On a toujours le choix, mais il fallait vraiment que je me dépêche de choisir mes choix. Super. De choisir. Moi, mes parcours. Je voulais dire, bande de chacals, vous allez crever comme des chacals, mais ça faisait deux fois chacal. Voilà. Du coup, j'ai dit, votre tombeau. Mais non. Ce tombeau sera votre tombeau. Et voilà, j'ai dû faire mes choix d'études supérieures. Et bon, comme j'avais fait S, par défaut, j'ai pris des trucs. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je déteste le moins en S? C'est incroyable. C'est fou. T'as même pas choisi par plaisir. Tu t'es dit, c'est quoi le moins pire? C'est ça la pire situation, c'est ça. C'est comment souffrir le moins, c'est abusé. Zéro plaisir. Et bah, je me suis dit, quelle horreur. Voilà, la chimie, c'est plus. J'allais dire c'est plutôt sympa. Non, ça me dérange pas tant. T'étais parti pour 60 ans d'ingénierie où tu te serais fait chier. Et du coup, j'ai choisi un DUT chimie, une fac de chimie, voilà. Et après, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je trouve ce que je veux faire. Ok. T'avais des idées déjà, donc. Juste, je me disais... j'avais peu d'idées, mais juste, je me suis dit, ok, je vais regarder une liste de tous les DUT, tu vois. Et déjà, rien qu'en écrémant par les noms, genre, DUT agriculture, c'est pourquoi pas trop mon truc. C'est pas trop ça mon truc. Ça veut dire quoi, ça? Non, je dis juste que c'est pas trop mon truc. Tu viens quand même de Salbar, je rappelle, c'est un village de 500 habitants, voire moins. Oui. Donc, clairement, qui a ta place. Ouais, peut-être. Mais moi, si j'essaie de faire pousser... des légumes, il en sort vraiment des mauvaises herbes, donc ça ne sert à rien. Attends, mais t'as pas la main verte? Pourtant, t'as une belle plante. Ça, je me rattrape. Merci beaucoup. Hypocrite. Pourquoi tu me caresses la jambe? Non, je me caresse le pied, ok. Et il s'avère que ta jambe, tes deux jambes et ta main étaient sur mon chemin, donc voilà. Bah, ouais. Je vois. Et voilà, j'ai crémé par rapport. J'ai crémé. T'as pas fait. J'ai fait que du cobalader. J'ai fait un bac cobalader. J'ai crémé par rapport au nom des DUT. Et là, je tombe sur DUT, métier du multimédia et de l'internet. Et là, ça m'interpelle. T'as quand même écrémé alors que tu ne voulais pas faire d'agriculture. D'agriculture. Et ça, c'est beau. Bah, ça, c'est beau. Franchement, au final, je me demande si j'aurais pas dû faire ça. Ouais, je pense. Voilà. Il y avait une carrière. Et du coup, je tombe sur ce nom qui m'interpelle. Par rapport au lait écrémé, en fait. Je vais te tuer. Et je l'aurais mérité, clairement. Je tombe sur ce nom qui m'interpelle. Et je regarde de quoi il en retourne, le programme, tout ça. Et je me rends compte que ça m'intéresse vraiment. Et du coup, je le mets dans ma liste de choix. Et je me dis, pourquoi Inch'Allah. Pas. Voilà. Et je le mets même premier. Oh! Et oui, moi je fais pas les choses à moitié. Les risques sont pris. Exactement. Et je me voyais pas du tout, mais pas du tout, faire un truc genre prépa ou fac de médecine ou des trucs où il fallait réviser H24. Est-ce que tu l'aurais fait si t'avais fait. Est-ce que j'aurais. L'aurais-tu fait? Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais? Tu sais. Ouais. Je sais pas. J'ai pas. Comment dire? En fait, je suis pas de nature à abandonner. Ouais. Disons que c'est le stress de ne pas y arriver qui me fait avancer, en fait. Même s'il n'y a pas de plaisir, même s'il n'y a pas d'envie. Ouais, oui. D'accord. Ouais, donc tu serais quand même prêt à t'infliger un truc vraiment lourd. Quand je révisais pas pour un contrôle, vraiment, genre, je me disais, mais non, je vais pas réviser n'importe quoi et tout. Et juste le soir d'avant. J'étais tellement mal à l'idée de pas avoir révisé, ouais, et de louper le contrôle ou quoi, que je révisais du coup, en me forçant. Et peut-être que ça aurait passé, ou peut-être que j'aurais craqué, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je me voyais pas du tout là-dedans. Du coup, j'ai mis le DUT, mais métier du multimédia et de l'internet, en premier. Et ça a été. Et là, c'est la consécration. C'est la consécration, j'ai adoré. La révélation. Ouais, non, mais j'ai fait des super rencontres là-bas. En plus de ça, je me suis découvert une passion. Une vraie passion. Une vraie passion. Qui est devenue d'ailleurs ton métier. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Très beau. Et, ça fait super plaisir, quoi. Je me voyais plutôt travailler dans un truc avec des ordinateurs, tu vois, derrière un bureau avec un ordi. Je me voyais plus là-dedans. Mais je ne savais pas du tout. Pourquoi? Et quand j'ai découvert le graphisme, pouvoir dessiner sur son PC et tout, pouvoir créer de son PC, j'ai trouvé ça trop bien, faire des montages photos et tout, j'ai tout de suite adoré. Et ça m'a tout de suite intéressé, même les détails techniques, JPEG, différents JPEG, PNG, tout ça, enfin, tout m'intéressait quasiment, sauf la partie plus vraiment hyper technique, genre réseau. Tout ce qui est ça m'intéressait pas du tout. Okay. Et voilà, maintenant j'en ai fait mon métier et ma passion. Et alors qu'à la base ça partait d'une envie un peu curieuse, mais pas vraiment d'un désir profond qui te taraudait depuis des années, quoi. Exactement. Donc c'est cool, comme quoi parfois juste le hasard fait bien les choses, une intuition un peu hasardeuse, ouais, ça peut faire les choses. Mm. C'est cool, très très impressionnant. C'est pas du tout mon cas, perso, à l'EUT, j'ai mis que ça d'ailleurs. Enfin, je crois qu'il fallait en mettre 3 minimum. Oui, mais toi, il est tellement prétentieux que au choix post-bac, il a mis un seul choix. Ça veut dire que s'il n'était pas pris, il n'avait rien du tout. Jamais j'aurais pu faire un truc pareil. Je savais que j'allais être pris. Tu dis ça, mais si t'avais pas été pris, mec, je t'aurais retrouvé sans te connaître. Et j'aurais pointé mon doigt vers toi et j'aurais fait... Voilà. Avec cette voix-là. Bah, crois-moi que j'aurais jamais voulu devenir ton ami. Ah, je comprends en même temps. Non, mais en fait, j'étais quasiment sûr que sans me fatiguer, j'allais rentrer là-dedans parce que en fait, j'avais déjà pris énormément d'avance de manière autodidacte et je pense que sans m'avancer, tu peux le confirmer. Que ce soit en programmation, HTML et tout, quand je suis arrivé la première année. Ouais. En vrai, surtout les premiers mois, j'étais quand même en avance. Ouais, t'étais grave en avance, même en termes de Photoshop et tout. C'est des logiciels que quasiment personne n'avait vu, enfin n'avait utilisé. Quentin, lui, en avait fait son affaire. Bon, tu sais, il avait déjà quelques coups d'avance. Ouais, je suis un peu un esprit, moi. Exactement. Non, mais voilà. Petite anecdote, je me suis dit, il y avait des entretiens pour rentrer dans ce DUT. Ouais. Et quand j'y suis allé, anecdote véridique. C'est un truc où on fait donc du web design, etc. Et pendant l'entretien, on m'a demandé, oui, est-ce qu'il y a des designs de sites web qui vous ont interpellé, qui vous intéressent, etc. Et vraiment, en improvisation pure, je suis nul. Et enfin, bon, je me suis amélioré quand même. Mais à ce moment-là, vraiment, il n'y a aucun site. Je traîne H24 sur Internet et il n'y a aucun site qui m'est venu en tête, il n'y avait que YouTube. Et genre, YouTube, c'est vraiment le site de base que tout le monde connaît. Et genre, pendant 5 secondes, j'ai cherché dans ma tête, mais je me suis dit, mais j'en connais plein des sites, pourquoi il n'y en a aucun qui me vient en tête avec un design sympa et tout. Et j'ai dit YouTube, et j'ai vu les deux juste se regarder un petit peu, en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça. Et moi, je me suis dit, mais non. Et j'ai essayé de me justifier en disant, ouais, la navigation, tout ça, est ultra bien faite. C'est trop bien pensé. Ah, vraiment, c'est les ingénieurs Google. Et enfin voilà, donc et en sortant de cet entretien, je me suis dit, mais jamais ils me prendront. J'ai jamais touché à Photoshop, j'ai jamais fait de programmation et tout. Et ils vont me dire, allez vous faire voir ailleurs, s'il vous plaît. S'ils y étaient. S'ils y étaient. Auquel cas, non, parce qu'ils étaient à l'UT. Donc tu pouvais les trouver que là. Donc, exactement. Et au final, j'étais pris quand même. Tu les as trouvés. J'étais très heureux. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que c'était bien, ça aussi, le fait de donner la chance à des gens qui ont rien vu du tout, qui étaient juste là par ambition. Au final, sans vouloir me vanter, je suis quand même le meilleur de la promo, donc voilà. En tout cas, c'est ce qu'on dit actuellement ton niveau de vie, ton niveau social. Ah, ça va. Et ton compte en banque. Donc, on peut dire que pour l'instant, on est plutôt bien. Effectivement, voilà. Mais après, voilà, sans faire de course à l'ego ou quoi que ce soit. Non, mais disons que je suis content du niveau que j'ai pris en design. C'est très, très impressionnant. Très, très impressionnant. Donc, surtout pour quelqu'un qui s'est formé. Parce que là, en gros, t'as Bac plus 3. Ouais. T'avais jamais vraiment fait de design avant. Et honnêtement, je dis ça. Alors, certes, t'es mon ami, mais... En toute objectivité, même si je déteste ce mot parce qu'il ne veut rien dire, mais il y a un réel talent ici. Il y a du potentiel. Ah, merci beaucoup. Ça se sent. Ça me fait très plaisir. Ça se sent. Soit c'est ça, soit t'as pas pris de douche. Mais en tout cas, je sens le... Mais arrête de tout casser chez moi, c'est incroyable. On va tout casser chez toi. C'est une référence aux fans de football. Voilà. Toi, tu l'as pas, désolé, mais... Tous les fans de football. Non, monsieur, je te laisse faire un podcast tout seul. Alors, on va parler foot. Foot jamais et Spider-Man. Jamais de la vie, non, ça serait le pire podcast. Tous les épisodes, foot et Spider-Man. Les deux sujets d'actualité. Le foot et Spider-Man. T'es impossible. On est vraiment fatigués. Oh là là. On est vraiment fatigués. C'est rire... Plus la fatigue. Grave. Ou alors c'est le fait que j'ai toujours pas pris de douche. Non, je pense pas. Je t'ai pas vu partir prendre une douche, donc ça doit être ça. Non, mais bon, bref, voilà. On peut continuer sur ton anecdote à toi. Enfin, ton deuxième tournant de vie. Si je peux dire ainsi. Oui, juste par rapport à l'IUT, c'est vrai que ça a été une grosse période pour moi parce qu'effectivement, D'ailleurs, à la base, je voulais mettre une école privée qui est à Strasbourg, dont le nom commence par M, finit par M, avec au milieu un J, ça a que trois lettres. D'accord. Au début, à la base, je voulais faire ça. Et vraiment, j'ai appris que c'était la pire école possible. D'ailleurs, je m'en suis rendu assez vite compte quand j'ai passé le concours d'entrée, qui était ridicule. Après, ils m'ont dit « Oh, vous êtes accepté, ça vous va ?» Et tout. J'ai dit « Mais non, jamais je vais dépenser. » Mais non, je vais pas dépenser 7000 euros pour... Oui, mais je crois que c'est 8000 même. Bah, je déteste. Bref, voilà. Et bon, à ce qui paraît, j'ai des indics là-bas. Hein, quelques, ouais. Bah, j'ai balisé le terrain, tu me connais. Hein, un peu une main partout. Je m'appelle Wilson Fisk. Non, c'est faux, je m'appelle Quentin Cropin. mais voilà, effectivement, à ce qui paraît, ça s'est amélioré. Donc bon, laissons-leur le bénéfice du doute. Le bénéfice. Le bénéfice du doute, mon ami. Sacré bel accent. tu viens des îles, toi, hein. Oula, attends, quelle sorte de liaison tu fais, là? Mais non. Je faisais juste un accent, voilà, enjoué. Bah, si t'avais eu un accent russe, j'aurais dit que tu venais de l'Est. Le bénéfice du doute. Bah voilà, là tu viens de l'Est. Super. Mais voilà, tout simplement, effectivement, je suis très content d'avoir fait ce DUT parce que je savais que j'avais mes chances là-bas. Je suis absolument pas sorti, genre, major ou quoi que ce soit. Je suis sorti comme. Enfin, j'ai atteint mon objectif là-bas, je voulais un diplôme. Voilà. De toute façon, j'ai toujours été plus autodidacte que scolaire. L'école m'a toujours profondément ennuyé. Mais bon, c'est pas le but de ce podcast, donc voilà. Moi, je voulais juste sécuriser mon savoir, mes passions et tout, donc j'ai fait ce DUT. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens incroyables. Notamment qui, par exemple? Je sais pas réellement de nom qui me dit en tête. Il y a toi! Ah, oui, évidemment, il y a toi, il y a l'ami Vincent. Oui, c'est moi! Qui a été un coup de foudre amical, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Ça a été assez impressionnant. Genre, moi, je me souviens le nombre d'heures qu'on passait à se faire des répliques de Le Blanco, des trucs comme ça. Ouais. J'éteignais ton PC, tu trouvais ça insupportable. Je trouvais ça insupportable, parce que mais je disais parfois, rien. Tu sauvegardais même pas, c'est vrai, tu es extrêmement gentil. Mais c'est bien, tu vois, on se balance. Ouais. Tu vois, moi, je suis un peu le diable sur l'épaule droite et toi, t'es un peu l'ange sur l'épaule gauche. Exactement. On se balance des fois des petits pics comme ça. C'est de bonne guerre. Toi, tu me balances des tridents dans la gueule, moi, je te. Écoute. Des fourches. Exactement. Bah, moi, je te lance de l'amour, mais bon, on va dire que c'est kiff-kiff, quoi. C'est l'amour, c'est kiff-kiff, comme tu le dis. Bien vu. Je sais que c'était pas fait exprès, mais bien vu. Si, c'était fait non, exprès. Non, c'est faux. À ta tête, je vois que c'était pas fait exprès. donc voilà, en fait, ouais, effectivement, souvent, les tournants dans la vie, ils sont vraiment liés à des personnes en particulier. Ouais, des rencontres. Que ça soit, voilà, il y a plein de gens qui m'ont énormément marqué. En final, moi, je pourrais te mettre, du coup, dans l'une des rencontres qui a changé ma vie. Waouh. Finalement. What? Que... Oh, please! Mesdames et messieurs, peut-on faire vraiment le silence le plus absolu? Vincent va faire une déclaration. Alors, bah non, pas du tout. si. En fait, je voulais juste dire que, en fait, si je t'avais pas rencontré, je serais sûrement, sûrement jamais... Dépressif. Non, c'est pas ce que je veux dire. Sûrement jamais tombé dans l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose que bah, j'aurais jamais connu et que j'aurais jamais regretté. Pourtant, ma vie actuelle me fait dire que si je retournais, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si vraiment j'étais salarié. Enfin bon, bref, maintenant... Mais je suis très content parce que, bon voilà, maintenant qu'on parle de ça, c'est vrai que je suis très content parce que ça a été... Enfin, au début, tu n'étais absolument pas dans ce mood-là. Et moi, je me souviens, ça a été extrêmement intéressant de voir l'évolution d'une personne qui était dans un schéma un peu classique de salariat, d'open space, tout ça, qui est très bien aussi, hein, ça convient à beaucoup de personnes et tant mieux, tu vois. Mais voilà, moi, j'aspire vraiment à la liberté et je sens que toi aussi, tu as cet élan qui... Il faut le sortir quand même, tu vois. Genre, t'es quand même ancré un petit peu dans ton confort, ouais. ta famille, tout ça. Et je comprends, il n'y a rien de mieux que la famille, les amis, tout et ça. La famille. Bien sûr, et tu connais les fibres de Palema. Il n'y a pas plus important que la reviens, famille. Reviens, qui disait le pays. Et le pays qui revient. Mais voilà, et du coup, effectivement, ça a été... Mais un échange complètement. Tu m'as appris tellement de choses. En fait, ce qui est très intéressant avec toi, c'est que, en fait, on parle. C'est même plus un podcast, c'est un brocast. C'est un brocast, vraiment, voilà, une bromance à raconter. Absolument, voilà. Non, mais il y a un truc que tu m'as énormément apporté, c'est une sorte de canalisation, tu vois. J'ai un peu un esprit qui va à mille à l'heure, tu vois, qui se pose mille et une questions. Et t'as souvent été là pour me dire, hey mec, Et je sais pas pourquoi j'ai pris la voix d'Eddie Murphy. Et mec, redescends, calme-toi, mec. Non, mais voilà, effectivement, ce truc de calmer un peu les ardeurs. Ouais, t'as tendance à faire plusieurs projets en même temps, mais sans avancer sur... Mais pour plusieurs raisons, on en parlera plus tard, mais voilà. Et t'as toujours été un petit peu, ce frein qui me dit, mec... Focus en one point. C'est ça. Et avancer étape par étape. Et en fait, c'est un truc extrêmement intéressant parce que moi, j'ai pas du tout cet état d'esprit, tu vois. Alors que toi, t'as plus ce truc faire, effectivement. Alors que je le sais, hein, le step by step, petit à petit. Ouais. Le nombre de fois on en a parlé, tu vois, genre faire, micro, penser, macro, tu vois, le nombre de fois on a parlé de tout ça. Mais j'ai pas du tout. Je sais pas si c'est une sorte d'état d'esprit empirique qui est dû au S ou je sais pas. Non, je pense que c'est plus que. En fait, penser à beaucoup de choses en même temps, ça me fait un peu paniquer. Ah ouais ? Donc, je préfère me concentrer sur une chose en me disant, OK, je finis ça, de toute façon. De toute façon, c'est le plus important et c'est ce qu'il faut que je fasse, donc je le fais. Sans penser à tous les autres trucs. Et je prends vraiment... Enfin, j'essaye de pas trop penser à tout en même temps, sinon, ouais. Sinon je panique. Bah, je t'admire, parce que ça demande une concentration assez incroyable. Genre moi, par exemple, je peux avoir une conversation, et tout d'un coup, je vais tilter sur un mot, je vais me dire, putain, il est incroyable ce mot. Et après, ça va me faire dévier sur un autre truc. En même temps, je vais essayer de tenir la conversation et tout. Enfin, et des fois, j'ai... Bah, en fait, toi, tu paniques pas en pensant à beaucoup de choses différentes, mais tu te laisses submerger, je pense. Qu'est-ce que t'entends par putain, c'est vraiment on est sorti hors contexte. Okay. Oh non, mais c'est pas grave. On va juste finir cette parenthèse puis après on retourne. Ouais, voilà. C'est-à-dire submerger. Bah, tu te laisses submerger, c'est-à-dire que tu quand t'as plusieurs projets en même temps. Bon, là en ce moment, moi j'ai l'impression que t'arrives à bref, mais il y avait un moment où quand t'avais plusieurs projets en même temps, tu n'avançais pas. Tu paniquais pas, mais en même temps, t'avançais pas, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Et c'est un vrai problème parce que c'est un vrai problème. C'est une gimmick qui lâche très souvent. Qui lâche souvent, ouais, c'est un vrai problème. C'est marrant. Qui suis-je pour dire ça, c'est un vrai problème. La fin dans le monde, bof. Non, mais Par contre, se laisser submerger parce qu'on a plusieurs projets en même temps, ça c'est un vrai problème. Non, mais ça c'est un problème parce que. Calmons-nous. Non, mais parce qu'effectivement, quand tu fais un petit peu tout, tu finis par faire beaucoup de rien. Ouais. Et je suis quelqu'un qui essaye de faire un maximum de trucs, tu vois. J'ai vraiment envie, je suis terrifié d'arriver à mes 80 ans. Et de me dire, j'ai pas fait assez, tu vois. Et genre, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire, de faire de la musique, de jouer, de faire du cinéma, de faire du sport, de faire des... J'ai vraiment envie d'expérimenter un maximum de trucs, que ça soit légal ou illégal, peu importe, tu vois. J'ai envie de vivre à fond. Vraiment, il y a que ça qui me motive. Et genre... voilà. Mais c'est pareil avec le DUT, parce qu'il était très polyvalent, etc. On pouvait faire plein de choses, mais au final, à la fin du DUT, si on était... à peu près moyen en tout. Ouais. En fait, on était bon en rien, en fait. C'est la force et la faiblesse du DUT. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me concentrer vraiment sur le web design à partir d'un moment où je me suis dit, OK, va falloir que je choisisse ce que je préfère parce que le montage, ça me plaisait, coder, ça me plaisait aussi, et le graphisme, ça me plaisait. Ouais, mais le web design. Une vie de codeur ? Non, je pense pas. Au final, je pense pas. Mais il y a un moment où ça m'intéressait beaucoup. Et au final, je me suis dit, bah, faut vraiment que je fasse un choix. Ouais. Exactement. Et du coup, j'ai choisi le web design et je me suis dit, bah, je vais en faire ma spécialité. Et c'est là que maintenant, du coup, bon, j'ai des notions dans tous les autres domaines, mais je me spécialise vraiment en web design. Et je pense que c'est comme ça. C'est bien du coup parce que ça fait un profil très intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est extrêmement compétent en une seule chose, mais qui peut dépanner et qui a une vision globale et une appréhension globale de plein d'autres domaines. Et ça, c'est très très intéressant. Ça fait de toi vraiment, je pense, un profil extrêmement important et très très pertinent à intégrer dans une équipe. Tu vois. Mes chevilles vraiment ont gonflé, mais si fort! Et elles ont soulevé le bureau sur lequel il y a le micro. Là, le micro est si haut là dans le ciel que j'arrive même plus à le voir. Bah, c'est faux, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Car tu mens. Bah, exactement. Non, on a toujours les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Oh oui. Alors, mon cher. Oh oui. Oh oui. C'était un si bémol. C'est exact. Ouais. T'as quand même essayé de trouver la note exacte. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie qu'on perde plus de temps. Vraiment, oui, j'ai parlé de ouf. C'était à toi de raconter un autre tournant de ta vie. Écoute, je te laisse. Bah ouais, comme dit, rencontre avec certaines personnes, des trucs assez ouf. Tu vois, par exemple, j'ai toujours été nul en maths. Vraiment. Pour une des bonnes raisons que je déteste les règles. Et j'ai jamais eu du mal. Alors, je sais pas si c'est dû à l'ego ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu une balle à accepter que 1 plus 1 égale 2, tu vois. Genre, je comprends le principe que c'est immuable, tu vois, qu'il faut comprendre ça pour pouvoir faire d'autres maths, mais j'ai qui a dit 1 plus 1 égale 2 terminé. Et à partir de là, genre, tu peux diviser par 2, mais pas par 0. Alors, pourquoi ? Je ne comprends pas. Tu peux faire des racines dans tous les sens, tu peux faire des divisions dans des multiplications. Mais parce que il faut transmettre ça à des objets du quotidien. Si tu prends un téléphone et un autre téléphone. Oui, je comprends la notion. Je comprends la notion d'unité. Si tu divises deux téléphones par zéro téléphone, bah, tu te rends compte que c'est impossible. Bah pourquoi pas ? Ça pourrait te laisser deux. Bah non. C'est impossible. Si tu divises par 0, 0 égale. Oui, bon, écoute, enfin, bref, ma théorie n'était pas ouf, mais. Non, mais je comprends. Mais d'ailleurs, très très intéressant d'expliquer les mathématiques avec des objets. Ouais. Ça, c'est le. Je pense que si les maths étaient plus ludiques, il y aurait moins d'élèves en échec mathématique. Mais en plus, c'est marrant parce que personne n'aime les équations, tout ça et tout. Mais je vois souvent passer sur mon fil Facebook et tout des trucs où vraiment il y a. Oui, genre des Batman où il y a écrit un Batman 5, après il y a un Joker plus 10, machin. Ouais. Et ce genre de trucs, genre les gens dans les commentaires ils sont là, ouais, ça fait 22 ou je et sais après, pas. Après il quoi. Fait, non, Sarah, ça fait 7 parce que tu as oublié que le Batman a qu'une seule. Exactement. Alors que si ça avait été remplacé par des X ou des Y. Les gens auraient fait, mais c'est nul. Qui veut répondre à cette grave. Merde. Grave. Mais bon, bref, voilà, j'ai toujours été nul en maths et la seule année où j'ai vraiment été intense ou un peu bon, c'est parce que j'ai eu un prof, je m'en souviendrai toujours, enfin, monsieur Marie, alors en fait, tous les profs étaient qualitatifs, je vais pas remettre en cause leur travail, mais ce mec avait un charisme et une force d'apprentissage et de persuasion qui m'a parlé personnellement, tu vois. Je me suis dit, je comprends ce que dit cet homme. Et je pense qu'il y a une certaine alchimie, tu vois, entre les êtres humains. Qui fait que ce mec m'a profondément motivé à apprendre voilà, les mathématiques. Et c'est la seule année où j'ai été un temps soit peu bon. Donc voilà, merci à lui. Et même, je me souviendrai toujours de mon prof de SES. Monsieur... Est-ce qu'on peut dire leur prénom ? Oui, ce sont des éloges, on peut dire leur prénom. Enfin, c'est monsieur Leclerc. Voilà. Donc ça, c'est son prénom. Son nom de famille, pardon. Monsieur Leclerc, qui était un homme, je trouve, d'un charisme fou. Alors, bien qu'il portait tout le temps des polaires, mon gars. Les trucs qu'est-ce que je suis... Non, je suis mauvaise langue. Il avait des chemises. Faut pas oublier que c'est ES, hein, quand même. Donc, il avait des chemises. Mais il portait souvent des polaires. Des polaires. Alors qu'il ne se les pelait pas avec un tel charisme chaleureux, mec. Oh là là, magnifique. J'aurais dû faire elle directement. Non, mais voilà. Et je me souviens, des fois, on rentrait dans sa classe, mon gars. Il se tenait droit. Et il baignait littéralement dans un halo de lumière. Non, ça c'est. Non, mais ça, je te jure. Non, je te jure, c'était hallucinant. On aurait cru que c'était une mise en scène. T'en as parlé à d'autres personnes ou vraiment il n'y avait que toi que, dans ta tête qui t'imaginais ça? Non, mais attends, il a existé cet homme. Non, mais vraiment, je te jure, et des fois. Non, mais j'utilise des superlatifs, mais vraiment, des fois, on rentrait. Il y avait une ambiance genre de gourou, tu vois. On rentrait dans sa salle, il était là avec son bouquin. Bah, non, mais gourou positif, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement. Une secte, c'est ça ? Exactement. Je savais qu'il fallait pas faire confiance au ES. Non, mais voilà. Ok, super. Est-ce que ça dérangeait vraiment ? Enfin, bref. Moi, oui. Ouais. Et voilà, effectivement. Et ce mec m'a profondément marqué. Il disait. Il a toujours des petites phrases. Tu vois, mais qui ont énormément de sens. Tu vois, par exemple, il y a toujours moyen de s'arranger. Et c'est une phrase qui est futile, comme ça, à lâcher comme ça, mais en réalité... On dirait la phrase d'un oncle à un repas de famille. Ouais, ou alors un oncle qui pourrait dire ça à son fils, enfin à son fils, à un membre de sa famille, tu vois. Bon, auquel il tient. Exactement, ou... qui aurait pu se faire mordre par une araignée radioactive, un peu chelou, tu vois. Et puis, qui se ferait ça, ça me rappelle quelque chose, ça dit. Non, Spider-Man. On y revient toujours. C'est une toile sans fin. Bon, alors je vais vous parler de Spider-Man. Non, mais voilà. Il dit toujours des trucs comme ça, tu vois, il y a toujours moyen de s'arranger, ou alors le diable se cache dans les détails, ou alors il disait chaque mot mais a un sens, pas. Tu vois, des trucs. Je comprends pas, le diable se cache dans les détails. En fait, je pense que il faut le prendre. Moi, pour moi, les détails, c'est justement ce qui fait toute la différence. Oui, mais je pense que cette expression a deux sens en fait. Elle a ce sens de si tu cherches trop les détails, t'es dans le perfectionnement, donc une quête sans fin qui va t'empoisonner, tu vois. Oui. Ou alors le diable, c'est-à-dire vraiment la précision, c'est-à-dire cette espèce de vis que tu as à vraiment peaufiner le truc pour le sublimer, tu vois. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'explique. Bon, après, c'est ce que c'est comme oui, ça que j'interprète. Oui, non, mais ça me paraît plausible. Bah, merci beaucoup. Et voilà. Et bref, du coup, voilà, effectivement, dans l'éducation, il y a dans mon parcours scolaire, il y avait des gens comme ça. Même après, en dehors de ça, il y a des gens incroyables. Toi, comme dit, bon, on a déjà parlé un petit peu de trucs comme ça avant. Il y avait, comme dit, j'en ai déjà parlé, mais Paul qui faisait le gardien de ma relation érotico gamine quand j'étais à la maternelle, qui était le gardien de notre idylle avec Marie, je le rappelle. Il faut avoir écouté les autres podcasts. Exactement. Pour comprendre cette référence. Je plug notre précédent contenu, mais voilà. Mais ce mec, qui était mon meilleur ami à l'époque et tout, et vraiment, je me souviens que ne serait-ce qu'il ait accepté de faire ça, alors qu'il est vraiment, il n'était pas obligé. Le gars, il se posait à quasiment. Et ça, c'est une des rencontres qui a changé ta vie. Oui, parce qu'après, on s'est parlé pendant longtemps, tu vois. C'est mais la fille en elle-même, pas du tout, quoi. La fille pour qui tu faisais tout ce stratagème, au final, rien du tout. Bah, ça veut quand même dire que je me suis énormément investi pour elle. Oh, oui. Bon, il y a chaque non, mais qui fait des... Évidemment, les rencontres, je pense que... De toute façon, alors personnellement, peut-être que tu me valideras ça, mais j'ai l'impression, alors, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, mais les choses qui ont le plus changé dans ma vie, c'est toujours... en rapport à une femme. Ah bon ? Vraiment. Tous les trucs qui ont vraiment changé dans ma vie, les gros gros tournants de ma vie qui ont vraiment changé ma vie, c'est toujours en rapport avec une femme. Vraiment. Voilà, je sais pas si c'est pour toi, okay. C'est pareil. Non, pas forcément. Bah écoute, je te propose de passer donc à un de tes tournants à toi. Exactement. Moi, un des autres tournants de ma vie, ça a été mon déménagement à Strasbourg. Ah, récemment, donc, du coup. Ouais, récemment. Parce que c'était vraiment la transition entre la vie étudiante et le travail. Et en fait, comme je viens d'un petit village et tout, déménager dans une grande ville et tout, enfin, une grande ville, une ville, ça me paraissait déjà... Enfin, Strasbourg me paraissait déjà immense. C'est quand même une grande ville, hein. Ouais, mais ça me paraissait immense, alors que maintenant, ça me paraît être... Ouais, c'est vrai que c'est une petite ville. Tout c'est petit, ville, quoi. En fait. Et ça a été une sacrée avancée, un grand pas pour moi. Mm-hmm. Parce que, ça a marqué la fin de mes études et vraiment le début du freelancing. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles. Notamment une offre que j'aurais pas pu accepter si j'avais toujours été dans mon petit village, parce que ça m'aurait fait beaucoup trop de route, 1h30, alors que là, j'en ai pour 20 minutes, quoi, pour aller sur les lieux du travail. Du crime. Exactement. Ben non, attends, on parle de travail, là. Si, parce que tu fais tellement du sale qu'on peut appeler ça un crime, mec. Oh une punchline professionnelle. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu t'es senti avant de prendre cette décision? Tu vois, genre, j'ai pas envie, je suis bien chez mes parents, etc. Et à la fin, une fois que tu l'as fait, comment est-ce que tu t'es senti? Genre, la transition, qu'est-ce qui a changé? Super bien. Ouais. Ouais, parce que... C'est bien. Parce que j'aime beaucoup mes parents, hein, j'aime beaucoup ma famille. Mais... Tu sais que tout ce qu'on dit avant mais... ça ne compte pas. Exactement. Non, j'aime beaucoup ma famille, mais... Par contre... Non, j'avais besoin de... Comment dire, je suis quelqu'un de plus solitaire, je pense. Tu peux comprendre. Quand je suis chez moi, j'ai besoin d'être seul. Je pense, même si je fais beaucoup de choses avec mes amis et tout, j'ai vraiment besoin d'avoir des moments où je suis seul quand même dans la journée ou au moins dans la semaine, quoi. En habitant chez mes parents, c'était pas possible. Et là, vraiment, je peux vraiment me retrouver chez moi tranquillement. Et ça, c'est quelque chose qui fait très plaisir, même si, bon, il y a tout ce qui vient à côté. C'est-à-dire que le linge n'apparaît plus comme par magie propre dans notre armoire. C'est fou quand même, il se lave tout seul. Waouh, mais quelle est cette sorcellerie? Surtout que depuis, t'as adopté un chat qui te rend la vie dure, on peut le dire. Ouais. J'ai lu que les chats étaient anti-stress, mais le mien, c'est ma principale source de stress. Et ouais, pareil, se faire à manger, enfin tout ce qui vient avec l'indépendance finalement. Mais ça me plaît. Ouais. Ça fait des. Pareil, enfin tout ce que je fais maintenant, comme travaux, je le vois comme une manière de m'améliorer, comme si j'avais un arbre de compétences, comme dans un jeu vidéo. Tu veux dire un RPG? Je déteste les RPG, d'accord. Oui, c'est pour ça que je... oui, comme dans un RPG ou comme dans les Sims. Ah, il y a des compétences dans les Sims? Bah ouais, parce que tu peux t'améliorer sur le plan athlétique, tu peux t'améliorer sur le plan professionnel, etc. Ou en cuisine et tout. Et bah là, c'est pareil. Maintenant, quand je cuisine, j'essaie de faire des trucs... j'essaie d'améliorer les plats que je fais habituellement. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, ça me fait prendre des compétences, même si c'est juste en cuisine de tous les jours. Moi, et il n'y a pas de petite victoire, d'accord. Exactement, il n'y a pas de petite victoire. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher de toi, hein, on ne va pas se mentir, parce que j'habitais quand même assez loin de Strasbourg. Ouais, c'était un peu chiant pour se voir. On se voyait souvent quand même. Oui. Donc bah, vraiment, oui. Très peu d'avantages pour l'écosystème, pour l'écologie, ouais. Vu l'essence engrangée. Comment tu veux dire engrangée par les déplacements, quoi. Mais plutôt les émissions de CO2 engrangées, là. Parce que te déplaçant, tu ne créais pas de l'essence. Oui, bah écoute. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, bah, j'ai juste à venir pas loin pour qu'on se voit et tout. D'ailleurs, maintenant, on se voit une fois tous les deux jours minimum. Ouais, j'ai vraiment tout le temps. Et puis ça m'a permis de faire des nouvelles rencontres, notamment Roberto, par exemple. Un gros bisou à lui. Gros bisou à lui. Je t'aime, Roberto. Ce gros lâcheur. Ouais, mais pourquoi il est pas là encore? Il fait du rap, là, de la musique urbaine. Il était censé venir à 21h, il est 2h du matin. Est-ce qu'il est là? Surtout qu'il rappe même plus, en plus, là. Il est rentré chez lui, direct. Non, mais gros bisou à toi, Roberto. Bien sûr, on t'aime. Et plein de bisous, où tu sais. C'est-à-dire, moi je sais pas. Alors oui, du coup, ton déménagement à Strasbourg. Et voilà. Bah, je vais finir. Ouais, je comprends. De toute façon, il y a vraiment. Je pense que la première fois que tu t'emménages tout seul. Bon, j'avais quand même fait un an d'études à Montbéliard. Ouais. C'était très cool. Mais j'ai pas vu ça comme un tournant de ma vie, parce que ça m'a fait juste me spécialiser dans quelque chose que je connaissais déjà. Cela dit, c'est tes parents qui payaient par exemple le loyer, tout ça, non? Ouais, ouais. Bah là, c'est complètement toi. Oui, mais il y avait t'as quand choisi même... ton appartement. Ah oui. Et tout le reste, bah, tu l'as choisi, même tu vois. Ça, j'avais choisi et tout. Mais oui, mis à part le fait que mes parents payaient le loyer, là, rien n'a changé par rapport à ce moment-là. Mis à part que j'ai plus grand et tout. Mais bon, c'est... Le petit flex au calme. Mais non, c'était j'ai plus grand. Mais... Bon, je passais d'un 20 mètres à un 90 000 pièces. Donc, ça va. 90 000 8 pièces. 8 piances. Et j'arrive pas à piancer. 8 piances et il n'y a aucun lieu pour piancer. ouais, non, mais je devais me faire à manger aussi. Mais bref, j'ai pas vu ça comme un tournant de ma vie. Mais par contre, mon déménagement à Strasbourg, oui, complètement. Voilà. Ok, mais je comprends tout à fait. Moi, je me souviens, j'avais la volonté de quitter le nid dès 18 ans. Déjà, pour une question de respect, en fait. Je trouve que quand t'es en âge de... Désolé, je rigole, car je me fais lécher la main par mon chat. C'est très chatouilleux. Bref. Et j'avais cette volonté, effectivement, de quitter le nid à 18 ans, parce que je pense que c'est... voilà, tout simplement, quand t'es en âge de t'occuper de toi, que théoriquement, t'as la majorité, donc que t'es censé être un adulte, tout ça, genre, c'est à toi, vraiment, de prendre tes responsabilités, etc. Alors, je vais absolument pas me jeter des fleurs, tu vois, ma mère a continué à payer certains trucs, à beaucoup m'aider pour tout ce qui est, par exemple, ne serait-ce que le linge, tu vois, c'était extrêmement pratique, je retournais chez elle pour le faire et tout, mais... voilà, il y avait ce truc de quand même, tu vois, d'aller faire les courses soi-même, de gérer un minimum ton budget, de faire le ménage chez toi et tout. Et c'est quand même un sacré changement quand tu passes de on fait tout pour moi à il faut que je fasse 80% des choses. Bah déjà, ta vie, elle bascule, tu vois. Et après, quand tu passes totalement dans la vie professionnelle et que t'es beaucoup moins aidé, voire plus du tout, alors là, c'est vraiment une sorte de... C'est un tournant de vie. On peut dire que c'est un tournant de vie. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de tournant de vie et d'appartement, je vais en parler d'un de mes autres tournants de vie. Très alambiqué comme transition, mais j'en étais plutôt fier au début pourtant. Mais récemment, voilà, ma mère a vendu son ancien appartement dans lequel elle est restée 22 ans. Et j'ai été la dernière personne... À fouler le sol. À fouler le pied de cet appartement vide. À fouler le pied de l'appartement ? C'est impossible. J'ai dit le pied ou le sol ? T'as dit le pied. Ah, pardon. Bah, Parce qu'un appartement n'a pas de pied. Alors... Détrompe-toi, dans mes rêves, si, ok. Non, mais à fouler le sol de mes pieds, et ça m'a vraiment fait un truc. Genre, m'asseoir dans des pièces vides, où j'ai passé des heures et des années surtout, où j'ai grandi, j'ai vécu tellement de trucs, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai un tas de trucs, enfin, incroyable, tu vois, genre, où j'ai vraiment passé ma vie, ça fait quelque chose. T'as presque l'impression de tout te reprendre d'un coup. C'est incroyable. Et maintenant, parfois, je repasse devant et les nouveaux propriétaires ont l'air de s'être très bien accommodés de l'endroit. Tant mieux pour eux. Et je me dis quand même, waouh. Et j'ai toujours ce truc. À chaque fois que je quitte un appartement, parce que là, en 4 ans, j'ai changé 3 fois d'appartement. Et à chaque fois que je change d'appartement, j'ai un pincement au cœur. Tu vois, je laisse. J'ai l'impression de laisser une partie de moi là-bas et je me dis, quelqu'un d'autre va prendre possession de cet endroit et tout, c'est très bizarre. Moi, ça m'a fait ça à Montbéliard aussi, mais quand c'est comme ça, j'essaye de faire le plus vite possible. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Pour ne pas tomber dans le... Dans le... Oh là là. La nostalgie, bien sûr, mais bien sûr. Non, mais la nostalgie. Même si c'est beaucoup plus dur de quitter un truc dans lequel t'as vécu pendant 18-20 ans que moi, la part de Montbéliard dans lequel je suis resté 8 mois. Je comprends tout à fait, bien sûr. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout nostalgique de ça, tu vois. Je trouve que c'est formidable que ma mère ait vendu son appartement. J'ai passé 18 années très très bien dans cet appartement, ou 17, je ne sais plus. Voilà, j'ai ultra kiffé ma vie, mais voilà, aujourd'hui, c'est très bien. Mais effectivement, sur le moment, j'ai forcément, de fait, vu l'historique que tu as avec le lieu, tu ne peux que te faire submerger par l'émotion, quoi. Si mes parents venaient à vendre leur maison ou quoi, ça ferait très bizarre. Exactement. Mais bon, on s'est dit que normalement, ça reste dans la famille. Ouais. Ce qui est un beau projet quand même aussi. Ouais. Enfin bon, bref, voilà, juste pour clore cette page, eh ben, j'ai aussi clos cet appartement, j'ai fermé la porte, j'ai tourné la page et voilà. C'est une page qui s'est tournée et puis voilà, tout simplement, la vie continue. La vie continue toujours, à moins qu'on soit mort, la vie continue. Exactement. Voilà. Et en parlant de continuer, t'as peut-être encore un tournant, toi ? Non, moi je voulais parler de Paris, mais comme on en a assez parlé dans l'intro de ce podcast, je vais pas plus revenir dessus. Ok. Ouais. Moi j'en ai encore. J'en ai encore deux, mais je pense qu'on va parler que d'un seul. Allez, très brièvement, le deuxième. Ça fait une seule vraie année que je suis en freelance. Et par exemple, j'ai commencé à réaliser beaucoup de clips de rap, un peu par hasard. Et il a fallu que je me forme encore en autodidacte, que ce soit la vidéo, la photographie et tout. Et au début, c'était complètement pété, c'était complètement claqué, très mauvais, tu vois. Non. Si. Non. On va pas se mentir. Non, par rapport à d'un œil extérieur, je trouve que par rapport à ce que beaucoup même de rappeurs professionnels peuvent sortir comme clip, ça se défendait pas mal, quoi. C'était pas révolutionnaire dans le côté créatif, etc. Mais c'était propre, bien fait, et ce que le rappeur avait demandé. Ouais. Donc c'était du beau travail. Mmh. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Mais voilà, en tout cas, personnellement, au début, j'étais vraiment pas content de ce que je faisais. Je trouvais ça extrêmement moyen, voire pas qualitatif. Mais voilà, j'ai persévéré, je me suis formé. Aujourd'hui, je suis extrêmement content. Et ça a payé, puisqu'aujourd'hui, voilà, il y a 3 jours, il y a des rappeurs qui m'ont appelé à 1h du matin pour me féliciter du travail que je venais de faire et tout. Donc, c'est très, très cool parce que c'est une grammaire qu'il a fallu apprendre. C'est un univers dans lequel je baignais pas du tout. Et c'est très très cool et ça me... Bon, le rap aussi quand même. Oui, mais pas du tout la réalisation de clips de rap. Oui, c'est vrai. Qui est quand même quelque chose de très spécifique, tu vois. Genre, j'ai pas du tout grandi en bas des blocs à faire Nique la police, tu vois. Ah bon? Non, alors, je sais que les apparences tentent à prouver, tentent à prouver que si, tellement ma street cred est importante, mais je tiens à calmer tes ardeurs. Non, je n'ai pas grandi en bas des blocs. En tout cas, Quentin voulait vous annoncer ce soir qu'il va sortir un album de rap. Alors, exactement, que je vais appeler... Ici, c'est la street. Exactement. Et ça sera le nom le plus nul qu'on n'aura jamais vu dans les bacs. Ici, c'est la street. Ici, c'est la street. Et Ici, c'est la street. Non, mais par contre, j'ai vraiment hâte que tu sortes un son. Parce qu'un jour, il va le faire, c'est sûr. Et je profite de ce podcast qui sera ancré dans les serveurs de toutes les banques de données et tout pour qu'il le fasse. Parce qu'il va le faire, c'est sûr. C'est vrai que j'ai déjà sorti 2-3 sons parodiques que toi seul as entendu. Exactement. Qui ont toujours été d'une qualité, on va dire, relative. Non, mais voilà, le but c'était de délirer, donc c'était toujours des sons un peu de. Voilà, mais bon, c'est pas du tout le débat. Mais voilà, tout simplement, juste pour en revenir à tout ça, ça a été un gros tournant de ma vie parce qu'effectivement, il a fallu que je me forme pendant un an en total autodidacte à la vidéo et à la photographie. J'ai pas du tout fait d'école pour ça. Comme vraiment pour 90% des choses que je fais dans la vie. Et ça paye puisqu'aujourd'hui, voilà, y a mon nom en réalisation de clips qui tournent sur Strasbourg. J'ai des gens qui m'appellent, qui me harcèlent, on peut dire. Je suis un peu devenu, pas du tout, mais voilà, effectivement, j'ai quand même beaucoup de contacts. Je commence à avoir un vrai respect dans le milieu à Strasbourg et tout, donc c'est rassurant et c'est encourageant pour la suite. Et voilà, juste donc par rapport à ça, j'ai vraiment envie de dire si vous avez envie d'apprendre un truc, si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous arrêtez pas simplement à une école. Par exemple, si vous êtes rejeté pour faire une école, c'est pas grave. Je veux dire, moi, je me suis formé totalement en vidéo et en photographie grâce à Internet et à de la pratique, évidemment. Je veux dire, tu peux lire autant de tutos et de livres, tu peux t'informer autant que tu veux de manière théorique, tant que tu pratiques pas, c'est égal à zéro. Ça ne vaut rien du tout. Ouais. Et parfois, effectivement, je vais faire une journée de tournage ou une journée de photo et en rentrant, mais je vais tout jeter, tu vois. Je veux dire, mais c'est nul. Mais c'est comme ça qu'on apprend, ça fait partie du jeu, ça fait partie du risque, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a ? J'imagine juste devant ton ordi, de rentrer après une journée épuisante, mettre la carte SD, voir les rushs et dire « c'est nul !» et tout supprimer d'un coup. Et à ce moment-là, je te déteste. Oui, je comprends, parce qu'en vérité... Moi, j'ai tendance à garder tout ce que je fais quasiment. Parce que c'est une bonne chose, parce que t'as pas réflexe. Ouais, parce que j'aime bien voir ce que j'ai fait précédemment et tout, pour voir comment j'ai évolué et comment mon œil a travaillé. Ouais. Et toi, vraiment, dès que ça te plaît pas, tu balances tout. Ouais, j'ai un peu ce côté radical. Bah, comme dit toujours... Un côté un peu nazi, quoi. Oula, oh. Oh. C'est vrai que je suis droit dans mes bottes, mais à ce moment-là, quand même. Bah, c'est quand même des bottes en cuir. T'as un imperméable long qui arrive jusqu'au genou. C'est vrai que le brassard nazi aussi prête à confusion. Mais c'est juste pour le style, vraiment. Non, mais plus sérieusement, voilà. Je sais même plus où j'en étais. Mais bref, voilà. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose. Faites-le, vraiment, vous allez en chier, ça va vraiment pas être facile, mais la seule barrière en réalité qui existe, c'est vous-même. Donc stop aux excuses et faites les choses, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie et faire les choses. Vous voyez pourquoi maintenant je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec des discours pareils d'un meilleur ami? Écoute, je rends la force qu'on me donne, tout simplement. En vrai, je suis bien entouré, on me donne de la force, c'est que de l'amour, c'est que de la positivité, tu vois. Genre, la négativité, elle gagne sur le court terme, dans le sens où, si t'es un peu agressif avec quelqu'un et que t'arrives à le moucher sur une réplique, tu vas te sentir avec l'ego et tout. Alors qu'en vérité, si tu viens avec une attitude authentique et sincère, pour éviter de les guerres d'ego et tout, ben, dans la longueur, tu crées beaucoup plus de choses, tu vois. Que simplement un truc, hey, je l'ai bien eu sur ce coup, tu vois, c'est ridicule. C'est ridicule et ça t'empoisonne. Déjà, ça empoisonne la personne, mais ça t'empoisonne aussi toi. Tu vois. Alors que tu es la chose la plus importante. On est tous, pour soi-même, la chose la plus importante dans ce monde. Donc, faut en prendre soin. Bref. Et, yes, mon chat a essayé de se suicider. Et, le dernier truc dont j'avais envie de parler, qui sera un appel à l'aventure, d'ailleurs, pour tout le monde, c'est un souvenir que j'ai, alors qui n'est pas lié à une personne, mais à un lieu qui est l'Opéra Garnier de Paris, qui est déjà un bâtiment mais somptueux, qui est avec ses dorures, son histoire, son symbolisme, c'est vraiment d'une flamboyance incroyable. Quelle chance on a d'avoir des bâtiments comme ça. Et même Paris en elle-même est d'une richesse culturelle incroyable. Il y a des styles partout, il y a des styles différents partout, il y a des bâtiments différents partout. Enfin, incroyable, incroyable. C'est très très riche et c'est toujours un plaisir de se balader dans cette ville. Mais je me souviens que, alors je me souviens plus du soir en question, mais il y a 2 ans, en plein hiver, j'en avais marre de bosser chez moi, on était un samedi soir, et je suis sorti, j'ai pris des lignes de métro au hasard, et je me suis retrouvé Opéra. Donc sur la 7, tout ça, 14 aussi, pyramide, tout ça. Et je me suis retrouvé à Opéra, je suis sorti, et je me suis rendu donc sur les marches de l'Opéra Garnier, qui sont pas tellement hautes, tu vois, tu les montes, mais de nuit, c'est vraiment magnifique, tu vois, t'as des éclairages, t'as une ambiance incroyable. Et je me suis retrouvé, tu vois, face au bâtiment, donc j'étais dos à la ville, j'étais face au bâtiment, et je me suis retourné. Et là, j'étais face à Paris. Et instantanément, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti dans un lieu avant. Je me suis senti écrasé, galvanisé, genre vivifié par ce que j'étais en train de vivre. Enfin, il y avait une telle ambiance, c'est ça. Il y avait des couleurs, des lumières, un mélange de températures, des sonorités partout. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Vraiment, j'avais l'impression de vivre. Comme si on avait poussé les curseurs émotions, sentiments et tout à 200%, tu vois. Genre vraiment pendant... Mais oui, c'est fou quand on... J'étouffais, quand vraiment j'étouffais. Quand on fait attention à ce qu'on ressent, ouais. C'est tu quelque peux. Chose d'incroyable. Ouais. Parce que on a, dans le quotidien et tout, on a vraiment l'habitude de foncer un peu tête baissée comme ça. Survoler les choses. Et survoler les choses et pas vivre l'instant. Ouais. Et quand on s'arrête, on se dit, on s'arrête juste 2 secondes. Juste on pense. Ton souffle, ouais, on pense à ce qu'on fait là, ce qui nous entoure et tout. Et ça change mais complètement la vision qu'on a, c'est incroyable. Ça fait une sensation, comme tu le décrivais bien avec des beaux mots. Des beaux superlatifs. Mais c'est ce que tu disais, tu vois. Ouais. Vraiment, j'étais complètement paralysé. J'étouffais, mais en même temps, c'était très agréable. Et enfin, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'est ouf, en fait. On peut vraiment communier avec le monde d'une manière qui est inattendue. Genre, moi, ça m'a pris, tu vois. C'était comme une claque. Je me suis retourné, bam, ça m'est tombé dessus, tu vois. Et c'est ouf en fait, parce que comme tu le disais, il faut relativiser l'instant présent et tout, il faut aussi savoir faire une pause. Et d'ailleurs, petite astuce par rapport au stress, bon, je ne suis pas quelqu'un qui stresse tellement, j'ai de la chance à ce niveau-là, mais quand ça arrive, j'ai une petite astuce, c'est je me regarde, ok, je regarde mon corps, je regarde mes mains, ok, et je me recontextualise. Non, ça c'est vraiment que t'es narcissique. Non, je me dis waouh, j'ai de belles mains, elles sont manicurées. Non, pas du tout en plus, parce que je me rends les ongles d'ailleurs. et voilà, et en fait, je regarde mon corps, tu vois, je regarde mes mains, je me dis ok, où suis-je? Qu'est-ce qui va se passer? Et je te jure que déconstruire un petit peu analyser. Le truc, voilà, déconstruire un petit peu le truc, se sentir humain, se sentir dans la situation, ça te fait respirer d'un coup, c'est trop bien. Mmh. Ouais, je comprends. Voilà, donc effectivement, franchement, depuis ce jour, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de vivre ce genre de moment un maximum. Et forcément, c'est pas en restant dans la même ville que ça va arriver, donc ça a réveillé en moi une certaine âme qui est celle du voyage, celle du bohème qui a envie de voir un petit peu tous les plaisirs et les beautés de ce monde. Donc voilà, voyager c'est important et ça sera un de mes mots de la fin. Je propose d'ailleurs qu'on termine tout doucement car on est à 1h08 et 28 secondes d'émission. C'est vrai. Quel est ton mot de la fin, Vincent? Mon mot de la fin, ce sera... Oui. Décevant, ça sera le mien. Non, d'abord, j'ai eu l'idée de regarder autour de moi, de dire le premier mot que je voyais écrit. Je me suis dit, bon... Là, tu déconstruis ta blague, là. Ouais, okay, oui. Yes. Parce qu'en fait, je me trouve très drôle comme garçon. Et du coup, je préfère analyser mes blagues. C'est ce que je fais d'ailleurs quand je réécoute mes podcasts. Enfin, nos podcasts, pardon. J'oublie qu'il y a d'autres gens avec. Quand je réécoute nos podcasts, j'analyse toutes mes blagues, je les note et je les refais en mieux. Devant ton miroir, voilà. Alors celle-là. Bon, ça passerait mieux si je fais un petit rictus, genre. Ah, pâté. Pâté. Et je barre comme ça et je trouve les meilleurs. Les meilleurs, la crème de la crème. Et après, tu fais du rap et tu t'appelles la crème. C'est comme ça qu'il s'est appelé la crème. Petite anecdote vraie. Non, elle est grosse, totalement grosse. Ok, c'était donc ton mot de la fin, peut-être un petit 30 secondes motivation, un petit 30 secondes émotion, un petit 30 secondes quelque chose. C'est ton moment. Donc si je réfléchis pendant 20 minutes pour faire ces 30 secondes, 30 secondes. Que tu peux... Non, mais est-ce que tu pourras couper? Écoute, non, je plaisante. Alors, waouh, se concentre et il se jette à l'eau. Je me jette à l'eau et je dirais que parfois dans la vie, il faut vraiment prendre les choses comme elles viennent, se concentrer à fond sur la tâche, qu'on est en train de faire, et en même temps, il faut savoir analyser tout ce qu'il y a autour pour pouvoir. Ouais, non, vraiment, c'est tellement déconstruit ce que je dis. Que... Non, mais en fait, c'est très intéressant. Mais en fait, à mon avis, tu essayes de caser beaucoup de choses. Ouais, ce qui fait que tu te perds un peu, mais c'est très intéressant. Exactement. Continue. Essaye de synthétiser. Ouais, je dirais qu'il faut. J'ai vraiment du mal à réfléchir à 2h20. Si tu devais résumer ta pensée en une phrase, ça serait quoi? Ce serait qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et ben voilà, parfait, nickel, tapement 5. Yes! Hein. 2, 3, 4, 5. Allez, 6, le petit bonus. Ben voilà, super. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et t'as bien raison, t'as mille fois raison. Mille et une fois raison, même. Mais en fait, c'est en se concentrant sur l'essentiel qu'on crée des opportunités et qu'on peut, avancer, prendre plusieurs chemins. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous quand on se concentre sur l'essentiel. C'est vrai. Et c'est ça que je voulais dire à la base, mais c'est vrai que j'avais du mal à l'exprimer. Nickel, parfait, voilà. Ça a pris un peu plus que 30 secondes, mais tu sais quoi, j'ai préféré que tu fasses ça. Parce que t'as vraiment synthétisé et t'es allé... Au bout de la pensée. Exactement, là où tu voulais aller. Bien. Eh ben écoutez, juste moi, mon mot de la fin, ça sera pas d'excuses vraiment. Là, on a parlé de tournants dans la vie, mais en vrai, le seul tournant qu'il y a dans votre vie, c'est vous. En fait, vous pouvez écouter mille et un podcasts motivants, vous pouvez lire mille et un livres de développement personnel, mais le seul déclic qu'il peut se passer, c'est vous-même en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action, il ne se passera jamais rien. Donc faites les choses, vraiment, c'est important. Faut pas oublier que la vie, c'est un jeu sur le long terme. Et on a le temps, mais à la fois, on ne l'a pas. Exactement, c'est tout le paradoxe de la vie. Mais c'est un beau paradoxe, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est une espèce d'équilibre un peu bâtard qui est extrêmement... En fait, c'est en me disant ça que j'ai l'impression d'avoir tout accompli, ouais. Mais que je suis quand même plutôt pas mal dans le game, à 22 arrête, ans. Vraiment, arrête. Je vais tout casser chez toi. Barre-toi à Paris, laisse-moi tranquille. Ouais, non, mais c'est comme ça que j'avance dans la vie, personnellement, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien, t'es modeste, hein, oui, filou que tu es. Mais voilà, tout simplement, il faut faire les choses, et le truc, c'est que si vous ne faites pas les choses aujourd'hui, et que vous les repoussez à demain, c'est pas seulement un jour que vous perdez, c'est une bataille, et la vie en elle-même est une guerre contre soi-même. Et chaque jour est une bataille. Alors, il ne faut pas voir ça d'une manière violente, mais il faut juste combattre et se relever à chaque fois. C'est ce qu'on fait très bien quand on est enfant. Un bébé, il va essayer de se relever pour marcher, il va tomber et il va le refaire. C'est un instinct de survie. Et il faut vraiment travailler ça, il faut faire les choses, c'est super important. On a tous des rêves, on a tous des passions. Si on n'en a pas, il faut en trouver. Et ça passe par tester plein d'expériences, tester plein de choses. Bref, voilà, faites les choses, faites un maximum de choses, c'est super important. S'il vous plaît, vraiment, je désespère à l'idée qu'il y ait des gens qui arrivent à 80 ans et qui regrettent de ne pas avoir fait cette chose. Donc vraiment, prenez des risques, faites des choses et n'attendez pas parce que la vie ne vous attend pas. Mic drop. Oh là là, magnifique. Je rappelle qu'on est à la bonne franquette et pas sur podcastmotivation.fr. Eh ben mon gars, moi je suis sûr... Je dénonce. Ouais. Allez, toujours le bon callback, la bonne ref à nos précédents podcasts. Bref, allez, un dernier mot, vraiment un dernier. Ouais, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao.